pour le grand public et même pour le public des spécialistes de littérature française, puisque je me suis permis de faire un petit sondage auprès de quelques collègues, parfois éminents même de la Sorbonne, quand on pense aux relations que Madame de Maintenon a entretenues avec le monde de la scène, on retient deux événements contradictoires. D'une part, son rôle de commanditaire pour les deux tragédies en musique de Racine écrites pour Saint-Cyr, comme on a déjà vu, et d'autre part, et on n'en a pas encore parlé, le rôle qu'elle aurait joué dans l'expulsion des comédiens italiens de Paris en 1697, en rétorsion à une pièce la caricaturant, pièce intitulée « La fausse prude ». Ces deux éléments signalent une contradiction. Si Madame de Maintenon pratiquait la haine du théâtre, hein, cette théâtrophobie dont les travaux de François Le Cercle ont mis en lumière et qui était après tout partagée par un certain nombre de personnes au XVIIe, comment comprendre qu'elle ait imposé, sur le modèle des usages pédagogiques jésuites ou des ursulines, des pratiques dramaturgiques dans le cadre de la formation de ses chères filles de Saint-Cyr? Comment élucider le fait qu'elle a elle-même pris la plume pour les demoiselles en écrivant des proverbes dramatiques? Et comment expliquer enfin que, presque reine, selon l'expression d'Alexandre Maral, elle ait fait jouer des spectacles de théâtre dans son propre appartement? En fait, la résolution de cette contradiction commence, je crois, à être aujourd'hui bien connue, et je n'y reviendrai d'abord que pour montrer comment, loin de relever de la haine, il me semble que les rapports entre Madame de Maintenon et le théâtre témoignent peut-être plutôt de ce qu'on pourrait appeler une longue histoire d'amour. C'est pourquoi il m'est apparu pertinent, dans le cadre de ce colloque de commémoration, qui est aussi un colloque de célébration, je crois, de mettre en évidence comment la scène a pu, d'une certaine façon, réparer certains outrages violents que la littérature narrative a infligés à la mémoire de Madame de Maintenon. Car cette dimension de sa réception, sur le théâtre, peut-être moins connue que les nombreux pamphlets et les chansons qui se sont plu à la caricaturer, permet de mettre en évidence comment sa figure historique, avant les réhabilitations que les romans ou les films récents ont commencé dans les imaginaires, a pu connaître des variations importantes donc au XVIIIe et XIXe siècle. Les arguments qui laissent penser que Madame de Maintenon a vraisemblablement eu du goût pour le théâtre sont nombreux. Et peut-être qu'il faut remonter aux sources de ce goût, on peut remonter à son premier mariage. En effet, quand elle a épousé Paul Scarron en avril 1652, elle épousait un auteur à succès de la scène parisienne et qui a continué à être joué à Paris comme à la cour, hein, bien au-delà de son décès. Donc c'est la femme d'un dramaturge célèbre. Et peut-être les pièces, après tout, excellentes, il faut le dire, hein, de Scarron, ne sont pas sans lien avec la séduction que son esprit a pu exercer sur la jeune Françoise d'Aubigné, puisqu'elle l'a épousé alors qu'il était, donc cet auteur, joué sur les scènes parisiennes. Des années plus tard, lorsqu'elle est devenue Madame de Maintenon, elle exerçait donc à ce moment-là son influence complète à Versailles. On sait que le théâtre est resté un divertissement régulier de la cour, contrairement à l'idée d'une vie de cour marquée par une austérité dans les dernières années du siècle ou au début du XVIIIe siècle. Donc le théâtre a toujours et toujours resté, donc, j'ose pas dire quotidiennement, mais en tout cas très très fréquemment, un des divertissements de cour. Et Madame de Maintenon était tout à fait favorable à ce divertissement, au point de faire jouer des spectacles dans son propre appartement et de le recommander, y compris pour des raisons morales, comme elle l'explique à la princesse des Ursins. C'est ma première citation. L'amusement dont vous me parlez, c'est-à-dire le théâtre, madame, est bien innocent. J'aurais bien voulu l'introduire dans notre cour, et je crois ces représentations plus honnêtes qu'un jeu continuel ou des repas très contraires, le jeu d'argent, ou des repas très contraires à la tempérance. Je voudrais dans ce moment pouvoir vous envoyer Madame de Quélus avec 5 ou 6 demoiselles de Saint-Cyr, car la déclamation s'y est toujours conservée. Et à l'heure que je vous écris, on joue Esther dans mon antichambre. Autre citation qui va dans ce sens-là, une lettre à Madame des Ursins, donc de 1712, donc beaucoup plus tard encore, hein, à un moment donné où la cour est déjà dans le deuil. « Vous faites bien, madame, de songer à amuser leur majesté catholique. Elles ont des affaires assez sérieuses pour avoir besoin de diversion. Et je n'en sais point de plus honnête que ces représentations de pièces pleines de maximes et de vertus, de générosité, de fidélité, propres au roi et au sujet. Elles sont instructives pour les uns et pour les autres, etc. etc. » Par ailleurs, à Saint-Cyr, l'utilisation pédagogique des ressources de la scène a été voulue par la fondatrice. Par exemple, donc, la fameuse mise en scène de proverbes qu'il fallait deviner, on en a parlé hier avec Christine Mongenot, était favorable à la fois à l'enseignement moral et à une pratique orale de la langue. Et sans avoir donné sur scène la réplique aux demoiselles, la dame de Saint-Cyr a forcément joué ses répliques pour conseiller telle ou telle diction, pour commenter tel ou tel passage, hein, puisqu'il ne s'agit pas seulement de faire jouer les demoiselles, mais également d'utiliser, hein, comme support pédagogique, hein, les pièces, les proverbes, hein, qui étaient joués. De plus, le succès controversé d'Esther et Athalie n'empêcha pas Madame de Maintenon, hein, de continuer à organiser régulièrement à Saint-Cyr des représentations théâtrales. Bon, le travail de Anne Piéjou l'a bien montré. Bien d'autres pièces que Esther et Athalie, des tragédies à sujet biblique essentiellement, ont été jouées dans les murs de Saint-Cyr. La Marianne de Tristan l'Hermite, qui tire son sujet de l'histoire biblique, tout comme Jephté, Judith de l'abbé Boyer, jouée au début des années 1690, ou encore Polyeucte, tragédie de Corneille, qui ne s'appuie pas sur un sujet biblique, mais qui raconte la conversion, la mort glorieuse, hein, d'un martyr chrétien. On peut encore citer Jonatas de Duché du Vency en 1699, Absalom en 1702, Déborah en 1704, mais des tragédies de Racine au sujet inspirées par le fond mythologique antique, Iphigénie, Andromaque en l'occurrence, furent aussi jouées, plutôt, signe que Madame de Maintenon pensait également formatrice des pièces à sujet a priori païen. Donc visible le théâtre, hein, et parfois même profane, en partie en tout cas, au moins au début. Donc le théâtre convenait aux objectifs pédagogiques de son projet, former à la culture, à la langue, tout en édifiant les esprits. Il n'est donc pas invraisemblable de penser, par la confiance que Madame de Maintenon a manifestée dans la vertu formatrice du théâtre, qu'elle a été favorable, sa vie durant, aux représentations théâtrales. Mais pourquoi alors avoir fait d'elle une ennemie des spectacles ? Comme on le lit souvent dans les histoires littéraires. Il est toujours d'usage, très souvent, hein, j'ai fait là aussi une petite enquête dans les manuels de littérature, de considérer que les acteurs italiens de la Commedia dell'arte, installés de manière permanente à Paris à partir des années 1660, y ont joué avec succès jusqu'à leur expulsion en 1697. Expulsion donc où des historiens de la littérature voient traditionnellement la main de Madame de Maintenon. C'est par exemple, j'ai essayé de prendre un exemple récent, ce qu'explique Claude Bourqui, un spécialiste éminent, hein, de la comédie italienne. C'est une citation d'un livre de 2011 sur la Commedia dell'arte. L'expulsion des acteurs de la comédie italienne, survenue le 14 mai 1697 en raison de l'audace calomnieuse du titre d'un spectacle pouvant désigner Madame de Maintenon, s'avère en fait le dernier avatar d'une longue et progressive disgrâce. Donc vous voyez, on lui attribue toujours, hein, cette expulsion des comédiens italiens qui, évidemment, pour tous les spécialistes du théâtre, est un péché. Vous remarquez en même temps que la formulation de Claude Bourqui est tout à fait habile, hein, puisqu'il n'insiste ni sur l'intention satirique des comédiens, ce serait le titre et non pas la pièce elle-même qui pouvait, dit-il, hein, potentialité sans certitude, être compris comme désignant Madame de Maintenon, pas plus, hein, qu'il ne souligne l'idée d'une réelle responsabilité de Madame de Maintenon. L'expulsion serait le résultat d'une longue et progressive disgrâce, hein, et non pas une mesure de rétorsion répressive. Alors, on voit donc qu'il y a beaucoup de précautions oratoires dans cette affirmation, et cela s'explique parce que rien de précis, en fait, ne vient accréditer cette idée, qui relève, à proprement parler, de la légende noire, hein, répétée de livre en livre, sans que ce lieu commun soit remis en cause, sauf en fait par des spécialistes de la question. L'origine de cette légende noire d'une Madame de Maintenon ennemie de la scène et des spectacles est triple. La plus ancienne source se trouve chez Madame du Noyer. Madame du Noyer, c'est une protestante qui a quitté son mari et la France, tous deux catholiques, donc pour gagner le refuge. Et c'est là que, pour subvenir à ses besoins, elle est devenue autrice et a publié notamment 7 volumes de lettres historiques et galantes entre 1707 et 1718. Et c'est donc tout au début, dans la 6e lettre du premier volume, qu'on trouve ces lignes. Les comédiens italiens se sont ressentis, elle parle de la mauvaise humeur, hein, de Madame de Maintenon, voilà, peint pas un tableau très agréable, et les comédiens italiens se sont ressentis de la mauvaise humeur de Madame de Maintenon, on les a chassés pour avoir joué la fausse prude, dans laquelle on dit que Madame de Maintenon s'est reconnue. Alors là aussi, vous voyez, on dit, on, etc. Donc, non seulement il y a ce on qui montre qu'on n'est pas sûr de ce qui est affirmé, mais en plus la source est parfaitement douteuse, hein, parce que ce texte est paru donc 10 ans après le moment de l'expulsion des comédiens italiens, et sous la plume d'une femme forcément peu informée de l'actualité française, puisque vivant à l'étranger. D'autre part, quand on sait que tous les volumes des lettres historiques et galantes de Madame du Noyer sont parus à Cologne chez Pierre Marteau, qui est une fausse adresse habituelle des textes pamphlétaires anti-Louis XIV, et qui a servi, par exemple, pour toutes les fictions satiriques galantes qui ont attaqué le roi et sa famille à partir des années 1680, on comprend, je crois, qu'il ne faut pas prêter beaucoup de crédit au témoignage des lettres de Madame Dunoyer. Et il n'empêche que c'est là qu'est la source de cette légende noire. Alors, les deux autres sources de la légende noire, c'est d'une part la correspondance de la princesse Palatine, d'autre part les mémoires du duc de Saint-Simon. Bon, je passe parce que ça a été étudié, c'est beaucoup plus connu. Enfin, tout ça explique comment, à partir de ce départ de Madame Dunoyer, et puis il y a la caisse de résonance de la correspondance de la princesse Palatine et des mémoires du duc de Saint-Simon, qui permettent d'expliquer comment ce bruit a pu se répandre et se trouver cautionné donc, par des discours d'autorité historique, puisque la princesse Palatine, aussi bien que le duc de Saint-Simon, sont considérés comme des sources importantes de connaissances du règne de Louis XIV. Ainsi s'est construit, aux dépens de Madame de Maintenon, une partie de sa légende noire à rebours en fait, des réalités de sa position. Et il faut dire peut-être que ça s'est d'autant plus facilement construit que le titre donné à la pièce fantôme des comédiens italiens, La fausse prude, pièce qui sans doute n'a jamais existé, était particulièrement bien trouvé pour stimuler l'imagination malveillante des ennemis de la marquise. À la façon de Primi Visconti finissant par en appeler au goût dépravé de certains hommes pour les vieilles, comme on avait vu au début dans l'introduction, les ennemis de Madame de Maintenon ne pouvaient imaginer l'attachement de Louis XIV à son égard que comme le symptôme des perversités inouïes dont elle devait être capable dans l'intimité, elle qui avait réussi à dompter les appétits sexuels démesurés du roi. La dévote devait forcément cacher autre chose, et dans la fausse prude qu'on supputait, on croyait deviner une vraie libertine. Car fausse prude, Madame de Maintenon l'est souvent dans la tradition de sa réception. On connaît les nombreux pamphlets narratifs qui lui ont volontiers donné un tempérament tout à fait torride sous son habit dévot. C'est une véritable Messaline sous la guimpe, c'est ce que j'avais essayé de montrer il y a quelques années quand j'avais travaillé sur les pamphlets satiriques galants, enfin narration, parce que contrairement à ce qu'a dit Madame Chandernagor hier soir, il y a une tradition romanesque, mais du côté du roman satirique du personnage de Madame de Maintenon. Donc voilà. Bon, à la source de cette réputation. N'est pas là, donc je me permets de la contredire. je n'aurais pas osé. À la source, en tout cas, vous couperez au montage. À la source de cette réputation, donc de Messaline, outre la malveillance caractérisée des calomniateurs, on trouve aussi un élément biographique, le fait que la jeune Madame Scarron a connu, fréquenté et sans doute apprécié la très libre Ninon de l'Enclos. C'est par exemple ce que rappelle Voltaire quand il consacre un texte à leur relation sous la forme d'un court dialogue. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un texte de théâtre, je voudrais m'arrêter sur ce premier jalon dans l'historiographie de la marquise. C'est donc un texte entièrement dialogué, sans cadre narratif, à la manière d'un genre très à la mode à la fin du XVIIe siècle qu'on appelle le dialogue des morts, où un auteur s'amuse à redonner la parole post-mortem à deux éminents personnages historiques pour les confronter à leurs contradictions, en tirer quelques leçons morales. En l'occurrence, il ne s'agit pas à proprement parler d'un dialogue des morts, parce que les deux protagonistes se rencontrent dans cette vie, même si c'est un peu sur le retour d'âge. Madame de Maintenon a convoqué Ninon à Versailles pour lui demander des consolations. Parce que si elle jouit en effet d'une élévation que tout le monde lui envie, elle regrette le temps jadis, le temps où elles étaient amies, car elle ne connaît plus la joie de vivre. « Il faut que je sois prude, c'est tout vous dire. Mon cœur est vide, mon esprit est contraint, je joue le premier personnage de France, mais ce n'est qu'un personnage, je ne vis que d'une vie empruntée. Ah, si vous saviez ce que c'est que le fardeau imposé à une âme languissante de ranimer une autre âme, d'amuser un esprit qui n'est plus amusable. » C'est presque du Sacha Guitry. Loin de la consoler, Ninon ne peut qu'acquiescer à son analyse renchérie en se proclamant plus heureuse dans son ordinaire que Madame de Maintenon dans sa grandeur. Ah, je crains de vous étaler la supériorité de mon état. Je sais qu'il ne faut pas trop goûter sa félicité en présence des malheureux. Tâchez, madame, de prendre votre grandeur en patience. Tâchez d'oublier l'obscurité voluptueuse où nous vivions toutes deux autrefois, comme vous avez été forcée d'oublier ici vos anciennes amies. Buvez du fleuve l'été. Consolez-vous surtout en jetant les yeux sur tant de reines qui s'ennuient. Mais Madame de Maintenon refuse de se plier à l'exercice d'ascèse que lui conseille Ninon, de manière tout à fait paradoxale, et demande du secours à son amie en l'invitant à venir la rejoindre à la cour pour mener, comme elle, une vie de fausse prude. Ce serait de troquer, au moins en apparence, votre philosophie contre de la pruderie, de vous faire femme respectable. Je vous logerais à Versailles, vous seriez mon amie, plus que jamais, vous m'aideriez à supporter mon état. Je vous aime toujours, madame, mais je vous avouerai que je m'aime davantage. Il n'y a pas moyen que je me fasse hypocrite et malheureuse parce que la fortune vous a maltraitée. On est vraiment au comble des paradoxes. Donc, réponse cinglante de Ninon qui permet d'opposer la gloire mondaine sans bonheur que connaît la fausse prude maintenonienne à l'obscurité voluptueuse où un vrai philosophe libertine a choisi de vieillir Ninon de l'Enclos. L'opposition entre les deux femmes que développe Voltaire ne se limite donc pas à l'antagonisme entre fausse prude et vraie libertine, mais se décline en opposition entre hypocrisie religieuse et liberté d'esprit, valeur mondaine et valeur philosophique. On assiste donc à un vrai renversement des rôles, parce que Ninon de l'Enclos occupe dans le dialogue philosophique, un genre dont relève ce texte en fait, la place de la philosophe, conformément en fait à l'image d'elle qui se diffusait déjà au XVIIIe siècle. C'est elle qui donne des leçons de détachement du monde à la dévote, trop attachée aux avantages de son état pour être capable de le quitter. Ninon de l'Enclos pousse même l'audace jusqu'à proposer donc à Madame de Maintenon de quitter Versailles pour la rejoindre, ce que la marquise toute puissante est incapable de faire, comme le symbolise donc l'épilogue du texte, où l'arrivée de deux ministres oblige Madame de Maintenon à renvoyer son amie. Donc les affaires accaparent la fausse prude, qui a troqué les plaisirs vrais d'une vie libre contre les satisfactions factices d'une position de pouvoir. La force comique de cette représentation tient au fait que Voltaire, comme il le signale dans une note de sa main, prétend s'appuyer sur des éléments factuels et même sur des références personnelles. Il commente ainsi son texte, qui est daté de 1751. Madame de Maintenon et Mademoiselle de l'Enclos avaient longtemps vécu ensemble. Cette fille célèbre qui est morte à 88 ans, il parle de Ninon de l'Enclos, avait vu l'auteur, Voltaire lui-même. Et elle lui a fait un legs par son testament. L'auteur a souvent entendu dire à feu l'abbé de Châteauneuf que Madame de Maintenon avait fait ce qu'elle avait pu pour engager Ninon à se faire dévote et à venir la consoler à Versailles de l'ennui, de la grandeur et de la vieillesse. Donc ce legs est attesté, le legs de Ninon de l'Enclos au jeune François-Marie Arouet, pour qu'il s'achète des livres, c'est un fait historique. Le témoignage de l'abbé de Châteauneuf, qui était le parrain bienveillant du futur Voltaire, apparaît donc comme un témoignage, après tout, de première main par Voltaire. Et Voltaire remploie d'ailleurs une déclaration fameuse attribuée à Madame de Maintenon elle-même, l'idée donc qu'il est difficile d'amuser quelqu'un qui n'est plus amusable. Donc différentes manières d'accréditer ce dialogue, de lui donner une sorte de résonance historique propre à convaincre le lecteur de la pertinence de cette écriture voltairienne. C'est une scène qui, s'il n'a pas eu lieu, aurait pu exister. Pourtant, on peut remarquer que ce portrait peint par Voltaire, s'il dénonce l'hypocrisie de la fausse dévote, ne condamne pas non plus Madame de Maintenon à l'infamie. Elle est finalement plus à plaindre qu'à mépriser. Et si elle est une fausse prude, attachée à ses prérogatives sociales, c'est non par une malignité particulière, mais parce qu'elle est à l'image d'une humanité moyenne, supportant avec peine l'absence de bonheur d'une vie, un malheur dont elle est certes responsable parce qu'elle est incapable de vivre en philosophe. Mais qui peut vivre en philosophe ? Donc finalement, cette incarnation de la marquise me semble plus attristante que véritablement scandaleuse. À cette première image d'une Maintenon en auguste infortunée, bien éloignée de la satire traditionnelle, le théâtre ajoute au XIXe siècle une autre image, plus inattendue pour nous, celle de l'ingénue. Une des premières incarnations de Madame de Maintenon sur scène semble avoir été, donc vraiment sur scène, semble avoir été sous l'identité de Françoise d'Aubigné dans Le mariage de Scarron, une comédie de Pierre-Yves Barré, Jean-Baptiste Radet et Desfontaines-Lavallée, un petit groupe d'auteurs qui avait l'habitude de travailler ensemble pour écrire des vaudevilles. Alors vaudeville au sens précis qu'avait le terme au XVIIIe, c'est-à-dire des pièces qui mêlent dialogue et chanson. C'est une pièce en un acte et en prose qui est créée à Paris le 8 mai 1797 au Théâtre du Vaudeville, dont Pierre-Yves Barré a été le fondateur et qu'il a dirigé jusqu'en 1815. La pièce est imprimée, rencontre un certain succès puisqu'elle est réimprimée en 1809. Elle donne lieu à une adaptation développée en 1842 où elle devient une comédie en trois actes sous la plume d'Édouard-Joseph Hennemont Mazère, un dramaturge à succès spécialisé donc dans les comédies vaudevilles. Elle est jouée là au Théâtre du Gymnase et publiée l'année suivante. Alors je vous raconte un peu l'histoire, ça se passe donc chez Scarron, le mariage de Scarron, où on voit arriver le marquis de Villarceau qui ne vient pas voir Scarron, qui vient chercher Mademoiselle d'Aubigné. Alors pourquoi la cherche-t-il chez Scarron ? Parce qu'on la voit souvent apparemment, Mademoiselle d'Aubigné chez Scarron, chez Monsieur l'abbé, dit-on, puisque à cette époque, donc, Scarron a toujours ce bénéfice ecclésiastique. Et Villarceau vient là pour la chercher parce qu'il essaye donc de la séduire, comme beaucoup de gens, parce que le valet de Scarron fait à ce moment-là une liste de tous les prétendants de Mademoiselle d'Aubigné. Il y en a beaucoup, il y a tout un catalogue qui est cité. Mais en fait, tous ces rivaux qu'énumère le valet n'inquiètent pas Villarceau. Et quand il entend que le valet cite le nom de Scarron lui-même, alors là, il est complètement rassuré parce qu'il pense qu'il n'a rien à craindre d'un homme qui a perdu, dit-il, son procès, sa fortune, sa santé, ses jambes, sa taille, sa figure et ses yeux. Donc il ne lui reste rien. Il en conclut que c'est pour elle un père tout au plus. Voilà. Bon, Ninon passe par là, je vous passe les détails. Elle est l'amante de Villarceau, mais elle n'est pas jalouse du tout. Enfin bon. Et puis arrive Mademoiselle d'Aubigné elle-même, que les déclarations séductrices et très admiratives de Villarceau mettent tout à fait mal à l'aise. Elle s'en explique ensuite dans une scène avec Ninon. En fait, elle craint les propositions de Villarceau parce qu'elle craint de trouver dans un mariage avec lui de nouveaux malheurs. Celle qu'on épouse sans bien est une épouse qu'on achète. Et elle rêve à son avenir. Elle dit « La gloire, la célébrité semble devoir un jour être aussi mon partage. » Elle prophétise. Mais elle sait qu'elle rêve comme rêvent les jeunes filles. Et en fait, elle n'est pas du tout convaincue par les propositions de Villarceau, aussi surprenant que cela puisse paraître. Survient alors Ménage, qui vient mettre en garde Scarron pour le prévenir que la rumeur le ridiculise en lui prêtant des intentions matrimoniales. Alors Scarron n'a pas peur du ridicule, répète-t-il à Ménage. Et quant au mariage, il y en est de très variés et il le chante. Mariage d'argent, mariage de convenance, mariage de sentiment, mariage de circonstance, puis mariage d'opéra, mariage de comédie. Le mien, monsieur, s'appellera mariage de fantaisie. Ménage s'inquiète, mais comme Scarron n'entend rien, se fâche, s'en va, et puis a lieu donc l'entretien enfin entre Scarron et Mademoiselle d'Aubigné, où Scarron commence par plaindre le sort de la jeune fille, explique qu'il veut la sauver des risques de sa situation. Il lui propose donc soit de l'argent pour le couvent, soit le mariage. Mariage qu'il présente comme la perspective d'exercer sa charité en prenant soin d'un grand malade. Et pleine de beaux sentiments, la demoiselle est éperdue d'admiration pour une proposition si généreuse. « Combien tant de délicatesse ajoute à l'amitié ?» dit-elle. Cependant, elle hésite un peu. Alors, non pas par répugnance pour le personnage de Scarron, pas du tout, mais parce qu'elle trouve que le style de Scarron est un peu trop libre. Qu'à cela ne tienne, Scarron promet de ne plus rien publier sans son aveu. Il lui donne une heure pour réfléchir à la proposition. Alors pendant ce temps, donc, tout le monde revient sur scène à tour de rôle, Villarceau, Ménage, Ninon, etc. Et puis au bout d'une heure, Mademoiselle d'Aubigné revient donc sur scène pour déclarer son choix. On pense à ce moment-là donc qu'elle va refuser. Ménage qui a annoncé que s'il se mariait, Scarron allait forcément finir cocu, pense qu'il a préparé le terrain pour aller vers un refus. Et à la stupeur générale, elle déclare « Un homme jeune et dans l'opulence » Ce serait vainement flatté de m'épouser. Ma fierté refuserait sa main. Qu'aurais-je à lui apporter en mariage ? Scarron m'a comblé de marques d'attachement et de bienfaits. Mais il lui faut à lui des soins, des secours continuels, et au moins par reconnaissance, j'éprouve le désir. Je me sens la force de les lui prodiguer avec bonheur. C'est donc le seul auquel je puisse apporter une dot. » Comme on le voit, le dénouement final, flatte le portrait de la future Madame de Maintenon. D'une part, elle apparaît comme une pure jeune fille idéaliste, éperdue de grands sentiments, disposée à consacrer sa vie par reconnaissance à un malade à cause de la sollicitude prévenante qu'il a témoignée à son égard, où elle voit le gage d'un attachement sincère, durable, et on trouve là le sens du dévouement, le tempérament d'infirmière, mais aussi, après tout, la vertu impavide, qui ont sans doute été ceux de Madame de Maintenon. Et puis après tout, pour qui connaît bien la carte de Tendre, on sait qu'il y a un chemin, guère plus long que les autres, mais pas moins sûr, qui mène de nouvelles amitiés à Tendre sur reconnaissance, ville jumelle de Tendre sur estime. Et d'une certaine façon, par ce choix inattendu, la jeune Aubigné suit un itinéraire de précieuse. Mais d'autre part, on peut aussi constater que la pièce présente Françoise d'Aubigné comme un esprit libre, une âme fière, peut-être orgueilleuse, qui refuse de recevoir plus qu'elle ne pourrait donner. Qui répugne à l'idée que la différence de fortune la soumettrait au bon vouloir d'un époux qui aurait eu le courage de l'épouser sans dot. Une considération qui est cette fois-ci loin de tout idéalisme et au contraire d'un réalisme sans illusion. Donc idéalisme et réalisme font apparaître le choix de la jeune fille comme un choix paradoxal de liberté. Donc elle donnerait un consentement qui lui promet un mariage sans soumission. Donc elle serait ingénue mais finalement pas si sotte dirait-on et finalement elle fait un choix assez astucieux. En même temps qu'audacieux. Un esprit libre, semble-t-il. Donc un portrait élogieux, et on peut s'étonner de voir la comédie chercher à le rire, mais surtout finalement aux dépens de Scarron, présenté comme un brave homme, un peu fou, qui ne craint pas l'inéluctable cocuage. Quant à Mademoiselle d'Aubigné, comme on l'appelle si respectueusement tout au long du texte, elle trouve dans la pièce une de ses incarnations scéniques les plus positives, et c'est si rare dans l'histoire de sa réception qu'on en reste étonné. Pourtant, cela correspond aussi à certains récits historiographiques dont témoigne, par exemple, donc, une petite citation d'un ouvrage contemporain, Madame de Maintenon, peinte par elle-même, par Amélie Suard, où je vous laisse la découvrir pour gagner du temps. Voilà, il explique effectivement que c'est un portrait tout à fait idéalisant de Madame de Maintenon. Donc il existe une veine hagiographique dans la réception si controversée de la marquise, dans cette période justement qui suit la tourmente révolutionnaire dont vous parliez là à propos de ses mémoires, effectivement. Et on peut citer dans cette mouvance également, je crois, le roman de Madame de Genlis, hein, Madame de Maintenon, pour servir de suite à l'histoire de la Duchesse de Lavallière, un roman qui est paru en 1806. À la jeune Aubigné, alors post-révolutionnaire ou pré-romantique, comme vous voulez, succède sous la monarchie de Juillet une version plus goguenargue de ses relations conjugales. De ses relations conjugales. Joué au Théâtre du Palais Royal le 22 mars 1839 pour la première fois, une pièce intitulée « Nanon, Ninon et Maintenon » ou « Les trois boudoirs ». Donc c'est une comédie en trois actes, mêlée de chants, œuvre de messieurs Théoléon, D'Artois et L'Aiguillon. Trois auteurs encore, donc, qui sont des dramaturges, des librettistes tout à fait chevronnés, dont les œuvres ont été jouées sur les plus grandes scènes parisiennes au XIXe siècle. Nanon, Ninon et Maintenon reprend donc le personnage de Ninon de l'Enclos, associé à Françoise d'Aubigné, comme chez Voltaire ou comme dans Le mariage de Scarron. Mais si la marquise est saisie à un autre moment de son parcours, non plus au moment de sa jeunesse, mais au moment où, bien en cours, toute puissante, hein, elle s'apprête à convoler avec le roi. Donc si on reprend par rapport à la pièce Le mariage de Scarron, j'allais dire c'est le mariage de Louis XIV, hein, d'une certaine façon, cette pièce. Donc un sujet délicat, qui n'apparaît pas tout de suite. Et la pièce commence en fait par les amours du jeune marquis d'Aubigné, le neveu de cette excellente tante, si étrangement calomniée, hein, comme dit le texte. Bon, dans les deux premiers actes, on ne voit pas du tout apparaître Madame de Maintenon, ce qui me permet donc de passer directement au troisième acte. Donc troisième acte qui nous plonge dès le début dans une atmosphère très différente de ce qui précède, qui est un peu des histoires de corps de garde, j'allais dire, puisque on voit donc le décor déjà, avec un orgue, un prie-dieu, des livres d'heures, un cœur de jésuite en prière dans le fond. On est dans le boudoir de Madame de Maintenon. Louvois, il vient négocier avec elle les conditions qu'elle veut mettre à son mariage avec le roi. Et il y a trois conditions. D'abord, évidemment, la révocation de l'édit de Nantes. Hein. Alors, ça fait bondir le ministre parce que, dit-il, c'est l'acte le plus impolitique qui soit. La marquise rétorque que c'est une clause de conscience. Sa conscience l'exige, pas de mariage sans révocation. La deuxième condition, c'est la défense de faire grâce à des duellistes. Bon, c'est pour une raison d'intrigue, là, vous allez comprendre. Ça convoite tout à fait Louvois, ça, parce que le duel est le fléau des familles. Et puis, dernière exigence, la défense de jouer Tartuffe. Parce que, Louvois dit, ça risque de mal passer, hein, parce que le matin encore, Louis XIV a déclaré qu'il refusait de toucher à Molière. Et bon, la marquise sait que la bataille va être rude contre Tartuffe. Elle déclare, hein, j'aurais bien de la peine à faire du roi un Saint-Louis. Il aime trop le théâtre, il protège trop les comédiens. Donc c'est toujours cette idée de haine du théâtre. Hein. On le voit donc, la pièce se focalise sur la bataille de Tartuffe, une affaire qui date pourtant des années 1664-1669, c'est-à-dire à un moment où Madame Scarron est encore loin d'être devenue Madame de Maintenon. Mais l'anachronisme, on peut passer dessus, a le mérite de mettre une nouvelle fois en évidence l'antagonisme supposé entre Madame de Maintenon et le théâtre. Et d'une certaine façon, la pièce renoue avec la tradition ouverte par l'affaire de la fausse prude. Alors cette fois, ce n'est pas la condamnation des comédiens italiens, c'est carrément la condamnation de Molière. Donc elle fait de Madame de Maintenon une adversaire acharnée du théâtre, cause forcément sensible à tous les dramaturges, qui noircissent le personnage en lui faisant incarner le rôle de l'adversaire, de l'ennemi du meilleur d'entre eux, Molière. Alors cet antagonisme s'incarne sur scène par l'opposition entre la marquise, qui met donc l'interdiction de la pièce comme condition de son mariage, et Ninon de l'Enclos, qui, elle, est une lectrice et une protectrice de Molière et de Tartuffe, enfin, de la pièce Tartuffe. Ce scène de tartufferie continue au fil de l'acte, car arrive ensuite le neveu, qui est un parfait Tartuffe lui-même, qui vient réclamer une avance sur la pension que sa tante lui verse pour pourvoir, dit-il, à des aumônes. On a vu ce qu'il a fait dans les deux premiers actes, on a des doutes. On a droit à une scène tout à fait comique, hein, d'hypocrisie religieuse, mais la tante se méfie des flatteries grossières du neveu, le soupçonne de manquer d'ailleurs d'affection. Alors, coup de génie, il se rachète auprès de sa tante en jouant à l'orgue, en son honneur, une chanson galante qu'il a écrite pour Nanon, qui est une dame de taverne à l'acte 1, qu'il a remployée habilement pour Ninon à l'acte 2, et il va la recycler encore pour la tante, en l'honneur de la patronne, Sainte Anne, dit-il. Alors, je ne sais pas pourquoi il considère que Sainte Anne est la patronne de Françoise d'Aubigné, vous m'expliquerez peut-être. Alors, il transforme en fait des paroles qui avaient un sens grivois avec un sens religieux. Hein. Sainte Anne à la terre enfin se fait voir et son sanctuaire est dans ce boudoir où loin du profane chaque jour je dis ton boudoir Sainte Anne c'est le paradis. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça peut vouloir dire dans un contexte grivois. Voilà, en tout cas, ça signale donc un double fond du langage et une dualité qui montre le caractère donc, d'un texte hypocrite. Hein. Voilà, survient donc à ce moment-là Ninon et Nanon. Alors, toutes les deux, on les fait attendre parce qu'on croit que ce sont des dames de congrégation pieuse, figurez-vous. Alors, Nanon a déjà entendu. Donc, Nanon, qui est une tenancière de taverne, une nymphe tavernière, comme dirait Scarron. Donc Nanon a déjà entendu parler de Madame de Maintenant, dit-elle. Hein, mais voilà. C'est celle qui a racheté l'an dernier la charge de la Montespan. C'est la naïve, hein, donc la tavernière. Ninon, elle, s'inquiète parce qu'on les laisse attendre et donc décide d'aller à Saint-Cyr. Et Nanon, elle reste seule et elle explore l'appartement. Elle s'approche de deux grands tableaux. On voit David tuant Goliath et Daniel dans la fosse aux lions, donc des sujets extrêmement pieux. Qui illustre le triomphe du juste sur le mal. Mais Nanon est une curieuse, c'est une fille du peuple, et donc elle voit un petit cordon à côté, elle tire sur le cordon, et Daniel disparaît, et à la place de la fosse aux lions, on voit à la place Vénus sortant de l'onde de Mignard. Exclamation de Nanon, excusez, une belle femme qui a oublié de mettre son casaquin. Du coup, Nanon va voir l'autre tableau, et là c'est Pandore tenant sa boîte à la main. Et ne vous gênez pas, toujours le même uniforme. C'est drôle tout de même pour une dévote, toutes ces belles images-là. Alors de fait, ces peintures... Après tout, on sait que Madame de Maintenon avait des peintures galantes, de style, dans son cabinet, où il y avait un peu de nudité, de chair. Par exemple, ces tableaux de Jouvenet ou de Wasse. Hein, qu'on... Et si on va d'ailleurs à Trianon, hein, dans la chambre qu'elle occupait, on voit encore d'autres sujets mythologiques. Après tout, il n'y a pas de... Voilà, enfin, ce ne sont pas des tableaux de dévotion, me semble-t-il. Donc, Nanon joue avec un autre petit cordon, et là, ce sont des amours qui descendent du plafond avec des guirlandes. Donc, des peintures dénudées, là où il y avait un sujet biblique, montrent un répertoire mythologique et laissent deviner en fait la galanterie d'un dispositif érotique, hein, puisque c'est fait pour susciter des fantasmes, inviter au plaisir de la chair. Hein. Le tableau comme ça à double fond, avec deux tableaux, l'un qui cache l'autre, et la naïve exclamation de Nanon, choquée en bonne fille du peuple qu'elle est, de voir des dames nues, souligne à contrario la corruption morale de la dame de cour, qui aime à s'entourer de sujets grivois, qui peut-être les met en usage à des fins de séduction. Et de fait, on frappe à la porte du petit cabinet. Nanon s'affole, elle va à la porte. C'est peut-être Monsieur Maintenant. Il n'y a qu'un mari qui puisse entrer par là. Ma foi, je vais ouvrir. Oh, un beau monsieur. Elle fait la révérence. On voit paraître un personnage qu'on aperçoit à peine et qui se retire précipitamment. C'est à Monsieur Maintenant que j'ai l'honneur de parler. Eh bien, il s'en va sans rien dire. Elle parle à sa poursuite, hein, pour solliciter la grâce de son promis. On est vraiment dans le vaudeville, vous voyez. Et cette fois, pas seulement parce qu'il y a des chansons qui viennent alterner avec des dialogues. On est dans le genre du vaudeville, au sens moderne du terme, avec les quiproquos, les allusions salaces, les amants cachés dans des petits coins, même si ce sont des rois. La pièce évite de mettre en scène le monarque en personne, et l'ombre furtive, hein, qui vient frapper à la porte, soigneusement close, reste dans un anonymat protecteur. Tout juste un détail irrévérencieux vient griffer le souverain discrètement. La porte est fermée à clé. Le spectateur sait qu'elle est fermée à clé par la marquise parce que le neveu a vérifié pour savoir où étaient les affaires de sa tante avec le roi. Il a vérifié que la porte était toujours fermée. Donc elle tient à la porte fermée et c'est comme ça qu'elle garde la haute main sur ses affaires. Le spectateur attentif peut ainsi subodorer, hein, que c'est par une tactique de la porte close, en refusant sa porte au roi, que Madame de Maintenon peut peser, hein, sur les conditions de son futur mariage. Et l'épilogue de la pièce voit Nanon qui a obtenu la grâce de son fiancé. Madame de Maintenon voit donc Madame de Maintenon, avec Louvois qui lui apporte la nouvelle, que le roi souscrit à ses conditions, sauf l'interdiction de Tartuffe. Donc, révocation de l'édit de Nantes, condamnation des duellistes, mais il refuse Tartuffe. Qu'à cela ne tienne, la marquise ordonne qu'on prépare la chapelle pour son mariage, car, comme le dit Ninon, il est avec le ciel des accommodements. C'est donc bien Madame de Maintenon qui incarne le mieux Tartuffe sur scène, parce que c'est elle, la dévote, qui dissimule ses penchants à la galanterie, penchant que les tableaux trahissent, parce que c'est une ambitieuse qui feint d'obéir à sa conscience, une rouée qui se donne des airs de morale religieuse, d'où ce mariage sous condition, mais finalement avec des accommodements possibles. Et son apparition tardive sur scène, puisqu'elle apparaît au troisième acte, comme je vous disais, semble une sorte d'hommage structurel à la pièce de Molière, dont le personnage éponyme, Tartuffe, n'apparaît lui-même qu'au troisième acte. Ainsi, la pièce légère, vaudeville comique, sur un sujet devenu presque graveleux, finit par s'inscrire dans une tradition théâtrale peut-être plus complexe qu'il n'y paraissait d'abord. L'étude très partielle ici, j'ai affreusement dépassé, il n'y aura pas de questions, tant pis, de la réception théâtrale de Madame de Maintenon permet de compléter en fait, le tableau des légendes noires et dorées qu'a suscité l'inénarrable marquise. On peut noter qu'en fait, il y a une sorte d'histoire des spectacles en France qui se dessine à travers ce personnage. Elle a touché à la gloire de la scène française du XVIIe siècle, par son mariage avec Scarron, comme ça, par ses commandes à Racine. Elle a partagé le goût de son siècle pour cet art, non seulement au point de le recommander comme art de cour, mais aussi au point de croire à sa vertu édifiante. Elle ne savait pas qu'elle aurait post-mortem une existence comme personnage de théâtre. Et pourtant, elle a très vite été incarnée, d'abord dans des textes dialogués sans visée scénique, puis sur scène à partir du XIXe, avant que le cinéma lui accorde sa dernière consécration. Il est peu de personnages historiques qui suscitent un tel imaginaire, et toutes ces incarnations successives prouvent à quel point l'image, la figure de Madame de Maintenon continue, je crois, à traverser l'histoire et les consciences et notre imaginaire. Merci.